vers là. Vini, dis-moi tout ça. Comment on vini là? Comment on vini là? Ça qui vive là. Vini, raconter ça. Comment on vini là? Comment on vini là? Hello. Hello. Senti ou pas moi, ça vrai ou t'es qu'à manger moi. Moi pas quoi, moi t'es été plus longtemps. Hello, hello. Bah tout le monde, moi t'es qu'à demander pour. Moi t'es toujours les savons nouvelles. Savent si. C'est toujours si belle. Moi décidé, moi que j'en vais tout pour elle. Ça qui vive là. Vini, dis-moi tout ça. Comment on vini là? Comment on vini là? Hello. Hello. Pour moi, on trop maquillé. Comment venir? Mais comment venir?